Section 19. Troisième partie, livre 5e, suite. Tombé à l'étranger, dans un noble combat, Napoléon eut à supporter à Paris les assauts des avocats qui voulaient mettre à sac ses malheurs. Il regrettait de n'avoir pas dissous la chambre avant son départ pour l'armée. Il s'est souvent aussi repenti de n'avoir pas fait fusiller Fouché et Talleyrand. Mais il est certain que Bonaparte, après Waterloo, s'interdit toute violence, soit qu'il obéit au calme habituel de son tempérament, soit qu'il fût dompté par la destinée. Il ne dit plus comme avant sa première abdication « on verra ce que c'est que la mort d'un grand homme ». Cette verve était passée. Antipathique à la liberté, il songea à casser cette chambre des représentants que présidait Langevinet, de citoyen devenu sénateur, de sénateur devenu père, puis redevenu citoyen, de citoyen allant redevenir père. Le général Lafayette, député, lut à la tribune une proposition qui déclarait « la Chambre en permanence, crime de haute trahison, toute tentative pour la dissoudre, traître à la patrie et juger comme tel quiconque s'en rendrait coupable ». 21 juin 1815. Le discours du général commençait par ces mots. « Messieurs, lorsque, pour la première fois depuis bien des années, j'élève une voix que les vieux amis de la liberté reconnaîtront encore, je me sens appelé à vous parler du danger de la patrie. Voici l'instant de nous rallier autour du drapeau tricolore, de celui de 89, celui de la liberté, de l'égalité et de l'ordre public. » L'anachronisme de ce discours causa un moment d'illusion. On crut voir la Révolution, personnifiée dans Lafayette, sortir du tombeau et se présenter pâle et ridée à la tribune. Mais ces motions d'ordre renouvelées de Mirabeau n'étaient plus que des armes hors d'usage, tirées d'un vieil arsenal. Si Lafayette rejoignait noblement la fin et le commencement de sa vie, il n'était pas en son pouvoir de souder les deux bouts de la chaîne rompue du temps. Benjamin Constant se rendit auprès de l'empereur à l'Élysée-Bourbon. Il le trouva dans son jardin. La foule remplissait l'avenue de Marigny et criait « Vive l'empereur !» Cri touchant, échappé des entrailles populaires, il s'adressait aux vaincus. Bonaparte dit à Benjamin Constant « Que me doivent ceux-ci ? Je les ai trouvés, je les ai laissés pauvres. » C'est peut-être le seul mot qui lui soit sorti du cœur, si toutefois l'émotion du député n'a pas trompé son oreille. Bonaparte, prévoyant l'événement, vint au-devant de la sommation qu'on se préparait à lui faire. Il abdiqua pour n'être pas contraint d'abdiquer. « Ma vie politique est finie, dit-il. Je déclare mon fils sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. » Inutile disposition, telle que celle de Charles X en faveur de Henri V. On ne donne des couronnes que lorsqu'on les possède, et les hommes cassent le testament de l'adversité. D'ailleurs, l'empereur n'était pas plus sincère en descendant du trône une seconde fois qu'il ne l'avait été dans sa première retraite. Aussi, lorsque les commissaires français allèrent apprendre au duc de Wellington que Napoléon avait abdiqué, il leur répondit « Je le savais depuis un an ». La Chambre des représentants, après quelques débats où Manuel prit la parole, accepta la nouvelle abdication de son souverain, mais vaguement et sans nommer de régence. Une commission exécutive est créée. Le duc d'Otrante la préside. Trois ministres, un conseiller d'État et un général de l'empereur la composent et dépouillent de nouveau leur maître. C'était Fouché, Caulaincourt, Carnot, Quinette et Grenier. Pendant ces transactions, Bonaparte retournait ses idées dans sa tête. « Je n'ai plus d'armée, disait-il, je n'ai plus que des fuyards. La majorité de la Chambre des députés est bonne, je n'ai contre moi que Lafayette, Langevinet et quelques autres. » Si la nation se lève, l'ennemi sera écrasé. Si au lieu d'une levée, on dispute, tout sera perdu. La nation n'a pas envoyé les députés pour me renverser, mais pour me soutenir. Je ne les crains point, quelque chose qu'ils fassent. Je serai toujours l'idole du peuple et de l'armée. Si je disais un mot, ils seraient assommés. Mais si nous nous querellons, au lieu de nous entendre, nous aurons le sort du bas-empire. Une députation de la Chambre des représentants étant venue le féliciter sur sa nouvelle abdication, il répondit « Je vous remercie, je désire que mon abdication puisse faire le bonheur de la France, mais je ne l'espère pas. » Il se repentit bientôt après, lorsqu'il apprit que la Chambre des représentants avait nommé une commission de gouvernement composée de 5 membres. Il dit au ministre « Je n'ai point abdiqué en faveur d'un nouveau directoire, j'ai abdiqué en faveur de mon fils. » Si on ne le proclame point, mon abdication est nulle et non avenue. Ce n'est point en se présentant devant les alliés l'oreille basse et le genou en terre que les chambres les forceront à reconnaître l'indépendance nationale. Ils se plaignaient que Lafayette, Sébastiani, Pontécoulan, Benjamin Constant avaient conspiré contre lui, que d'ailleurs les chambres n'avaient pas assez d'énergie. Ils disaient que lui seul pouvait tout réparer, mais que les meneurs n'y consentiraient jamais, qu'ils aimeraient mieux s'engloutir dans l'abîme que de s'unir avec lui, Napoléon, pour le fermer. Le 27 juin à la Malmaison, il écrivit cette sublime lettre « En abdiquant le pouvoir, je n'ai pas renoncé au plus noble droit du citoyen, au droit de défendre mon pays. Dans ces graves circonstances, j'offre mes services comme général, me regardant encore comme le premier soldat de la patrie. » Le duc de Bassano lui ayant représenté que les chambres ne seraient pas pour lui, « Alors je le vois bien, dit-il, il faut toujours céder. Cet infâme Fouché vous trompe, il n'y a que Caulaincourt et Carnot qui valent quelque chose. Mais que peuvent-ils faire avec un traître Fouché et Deniais, Quinette et Grenier, et deux chambres qui ne savent ce qu'elles veulent? Vous croyez tous comme des imbéciles aux belles promesses des étrangers? Vous croyez qu'ils vous mettront la poule au pot et qu'ils vous donneront un prince de leur façon, n'est-ce pas? Vous vous trompez. » Des plénipotentiaires furent envoyés aux alliés. Napoléon requit le 29 juin deux frégates stationnées à Rochefort pour le transporter hors de France. En attendant, il s'était retiré à la Malmaison. Les discussions étaient vives à la Chambre des Pairs. Longtemps ennemi de Bonaparte, Carnot, qui signait l'ordre des égorgements d'Avignon sans avoir le temps de le lire, avait eu le temps, pendant les 100 jours, d'immoler son républicanisme au titre de comte. Le 22 juin, il avait lu au Luxembourg une lettre du ministre de la guerre contenant un rapport exagéré sur les ressources militaires de la France. Ney, nouvellement arrivé, ne put entendre ce rapport sans colère. Napoléon, dans ses bulletins, avait parlé du maréchal avec un mécontentement mal déguisé, et Courgaud accusa Ney d'avoir été la principale cause de la perte de la bataille de Waterloo. Ney se leva et dit « Ce rapport est faux, faux de tout point. Grouchy ne peut avoir sous ses ordres que 20 à 25 000 hommes tout au plus. Il n'y a plus un seul soldat de la garde à rallier. Je la commandais, je l'ai vue massacrée tout entière avant de quitter le champ de bataille. L'ennemi est à Nivelles avec 80 000 hommes. Il peut être à Paris dans 6 jours. Vous n'avez d'autre moyen de sauver la patrie que d'ouvrir des négociations. » L'aide-de-camp Flahau voulut soutenir le rapport du ministre de la guerre. Ney répliqua avec une nouvelle véhémence « Je le répète, vous n'avez d'autre voie de salut que la négociation. Il faut que vous rappeliez les Bourbons. Quant à moi, je me retirerai aux États-Unis. » À ces mots, Lavalette et Carnot accablèrent le maréchal de reproches. Ney leur répondit avec dédain « Je ne suis pas de ces hommes pour qui leur intérêt est tout. Que gagnerais-je au retour de Louis XVIII? D'être fusillé pour crime de désertion? Mais je dois la vérité à mon pays. » Dans la séance des pairs du 23, le général Drouot, rappelant cette scène, dit « J'ai vu, avec chagrin, ce qui fut dit hier pour diminuer la gloire de nos armes, exagérer nos désastres et diminuer nos ressources. Mon étonnement a été d'autant plus grand que ces discours étaient prononcés par un général distingué, Ney, qui, par sa grande valeur et ses connaissances militaires, a tant de fois mérité la reconnaissance de la nation. » Dans la séance du 22, un second orage avait éclaté à la suite du premier. Il s'agissait de l'abdication de Bonaparte. Lucien insistait pour qu'on reconnût son neveu empereur. Monsieur de Pontécoulan interrompit l'orateur et demanda de quel droit Lucien, étranger et prince romain, se permettait de donner un souverain à la France. « Comment, ajouta-t-il, reconnaître un enfant qui réside en pays étranger ? » À cette question, la bédoyère, s'agitant devant son siège, « J'ai entendu des voix autour du trône du souverain heureux. Elles s'en éloignent aujourd'hui qu'il est dans le malheur. » Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître Napoléon II parce qu'ils veulent recevoir la loi de l'étranger à qui il donne le nom d'allié. L'abdication de Napoléon est indivisible. Si l'on ne veut pas reconnaître son fils, il doit tenir l'épée, environné de Français qui ont versé leur sang pour lui et qui sont encore tout couverts de blessures. Il sera abandonné par de vils généraux qui l'ont déjà trahi. Mais si l'on déclare que tout Français qui quittera son drapeau sera couvert d'infamie, sa maison rasée, sa famille proscrite, alors plus de traîtres, plus de manœuvres qui ont occasionné les dernières catastrophes et dont peut-être quelques auteurs siègent ici. La chambre se lève en tumulte. À l'ordre, à l'ordre, à l'ordre, Mugiton blessé du coup. « Jeune homme, vous vous oubliez ?» s'écria Masséna. « Vous vous croyez encore au corps de garde ?» disait Lamette. Tous les présages de la seconde restauration furent menaçants. Bonaparte était revenu à la tête de 400 Français. Louis XVIII revenait derrière 400 000 étrangers. Il passa près de la mare de sang de Waterloo pour aller à Saint-Denis comme à sa sépulture. C'était pendant que la légitimité s'avançait ainsi que retentissaient les interpellations de la Chambre des Pairs. Il y avait là je ne sais quoi de ces terribles scènes révolutionnaires au grand jour de nos malheurs, quand le poignard circulait au tribunal entre les mains des victimes. Quelques militaires dont la funeste fascination avait amené la ruine de la France, en déterminant la seconde invasion de l'étranger, se débattaient sur le seuil du palais. Leur désespoir prophétique, leurs gestes, leurs paroles de la tombe semblaient annoncer une triple mort. Mort à eux-mêmes, mort à l'homme qu'ils avaient béni, mort à la race qu'ils avaient proscrite. Tandis que Bonaparte se retirait à la Malmaison avec l'Empire fini, nous, nous partions de Gand avec la monarchie recommençante. Pozzo, qui savait combien il s'agissait peu de la légitimité en haut lieu, se hâta d'écrire à Louis XVIII de partir et d'arriver vite, s'il voulait régner avant que la place fût prise. C'est à ce billet que Louis XVIII dut sa couronne en 1815. À Mons, je manquais la première occasion de fortune de ma carrière politique. J'étais mon propre obstacle et je me trouvais sans cesse sur mon chemin. Cette fois, mes qualités me jouèrent le mauvais tour que m'auraient pu faire mes défauts. M. de Talleyrand, dans tout l'orgueil d'une négociation qu'il avait enrichie, prétendait avoir rendu à la légitimité les plus grands services et il revenait en maître. Étonné que déjà on n'eût point suivi pour le retour à Paris la route qu'il avait tracée, il fut bien plus mécontent de retrouver M. de Blacas avec le roi. Il regardait M. de Blacas comme le fléau de la monarchie. Mais ce n'était pas là le vrai motif de son aversion. Il considérait dans M. de Blacas le favori, par conséquent le rival. Il craignait aussi monsieur et s'était emporté lorsque, 15 jours auparavant, monsieur lui avait fait offrir son hôtel sur la Lys. Demander l'éloignement de monsieur de Blacas, rien de plus naturel. L'exiger, c'était trop se souvenir de Bonaparte. Monsieur de Talleyrand entra dans Mons vers les 6 heures du soir, accompagné de l'abbé Louis. Monsieur de Rissé, monsieur de Jaucourt et quelques autres commensaux volèrent à lui. Plein d'une humeur qu'on ne lui avait jamais vue, l'humeur d'un roi qui croit son autorité méconnue, il refusa de prime abord d'aller chez Louis XVIII, répondant à ceux qui l'empressaient par sa phrase ostentatrice « Je ne suis jamais pressé, il sera temps demain ». Je l'allai voir, il me fit toutes ces cajoleries avec lesquelles il séduisait les petits ambitieux et les niais importants. Il me prit par le bras, s'appuya sur moi en me parlant, familiarité de haute faveur, calculée pour me tourner la tête, et qui était avec moi tout à fait perdu. Je ne comprenais même pas. Je l'invitais à venir chez le roi, où je me rendais. Louis XVIII était dans ses grandes douleurs. Il s'agissait de se séparer de M. de Blacas. Celui-ci ne pouvait rentrer en France. L'opinion était soulevée contre lui. Bien que j'eusse eu à me plaindre du favori à Paris, je ne lui en avais témoigné à Gand aucun ressentiment. Le roi m'avait su gré de ma conduite. Dans son attendrissement, il me traita à merveille. On lui avait déjà rapporté les propos de M. de Talleyrand. « Il se vante, me dit-il, de m'avoir remis une seconde fois la couronne sur la tête. Il me menace de reprendre le chemin de l'Allemagne. Qu'en pensez-vous, M. de Chateaubriand ?» Je répondis, « On aura mal instruit votre majesté. M. de Talleyrand est seulement fatigué. Si le roi y consent, je retournerai chez le ministre. » Le roi parut bien aise. Ce qu'il aimait le moins, c'était les tracasseries. Il désirait son repos, aux dépens même de ses affections. M. de Talleyrand, au milieu de ses flatteurs, était plus monté que jamais. Je lui représentais qu'en un moment aussi critique, il ne pouvait songer à s'éloigner. Pozzo le prêcha dans ce sens. Bien qu'il n'eût pas la moindre inclination pour lui, il aimait dans ce moment à le voir aux affaires comme une ancienne connaissance. De plus, il le supposait en faveur près du czar. Je ne gagnais rien sur l'esprit de M. de Talleyrand, les habitués du prince me combattaient. M. Mounier même pensait que M. de Talleyrand devait se retirer. L'abbé Louis, qui mordait tout le monde, me dit en secouant 3 fois sa mâchoire, « Si j'étais le prince, je ne resterais pas un quart d'heure à Mons. » Je lui répondis, « Monsieur l'abbé, vous et moi, nous pouvons nous en aller où nous voulons, personne ne s'en apercevra, il n'en est pas de même de monsieur de Talleyrand. » J'insistai encore et je dis au prince, « Savez-vous que le roi continue son voyage ?» Monsieur de Talleyrand parut surpris, puis il me dit superbement, comme le balafré à ceux qui le voulaient mettre en garde contre les desseins de Henri III, « Il n'osera !» Je revins chez le roi, où je trouvai monsieur de Blacas. Je dis à sa majesté, pour excuser son ministre, qu'il était malade, mais qu'il aurait très certainement l'honneur de faire sa cour au roi le lendemain. « Comme il voudra, répliqua Louis XVIII, je pars à 3 heures. » Et puis il ajouta affectueusement ces paroles, « Je vais me séparer de monsieur de Blacas, la place sera vide, monsieur de Chateaubriand. » C'était la maison du roi mise à mes pieds. Sans s'embarrasser davantage de monsieur de Talleyrand, un politique avisé aurait fait attacher ses chevaux à sa voiture pour suivre ou précéder le roi. Je demeurai sottement dans mon auberge. Monsieur de Talleyrand, ne pouvant se persuader que le roi s'en irait, s'était couché. À 3 heures, on le réveille pour lui dire que le roi part. Il n'en croit pas ses oreilles. « Jouez, trahi !» s'écria-t-il. On le lève et le voilà pour la première fois de sa vie à 3 heures du matin dans la rue, appuyé sur le bras de monsieur de Rissé. Il arrive devant l'hôtel du roi. Les 2 premiers chevaux de l'attelage avaient déjà la moitié du corps hors de la porte cochère. On fait signe au postillon de s'arrêter. Le roi demande ce que c'est. On lui crie « Sire, c'est monsieur de Talleyrand ». « Il dort, » dit Louis XVIII. « Le voilà, sire. »« Allons, » répondit le roi. Les chevaux reculent avec la voiture. On ouvre la portière, le roi descend, rentre en se traînant dans son appartement suivi du ministre boiteux. Là, monsieur de Talleyrand commence en colère une explication. Sa majesté l'écoute et lui répond « Prince de Bénévent, vous nous quittez, les eaux vous feront du bien, vous nous donnerez de vos nouvelles. » Le roi laisse le prince ébahi, se fait reconduire à sa berline et part. Monsieur de Talleyrand bavait de colère. Le sang-froid de Louis XVIII l'avait démonté. Lui, monsieur de Talleyrand, qui se piquait de tant de sang-froid, être battu sur son propre terrain, planté là, sur une place, à Mons, comme l'homme le plus insignifiant, il n'en revenait pas. Il demeure, muet, regarde s'éloigner le carrosse, puis, saisissant le duc de Lévis par un bouton de son spencer, « Allez, monsieur le duc, allez dire comme on me traite. » Je remis la couronne sur la tête du roi, il en revenait toujours à cette couronne, et je m'en vais en Allemagne commencer la nouvelle émigration. Monsieur de Lévis, écoutant en distraction, se haussant sur la pointe du pied, dit « Prince, je pars, il faut qu'il y ait au moins un grand seigneur avec le roi. » Monsieur de Lévis se jeta dans une carriole de louages qui portait le chancelier de France. Les 2 grandeurs de la monarchie capétienne s'en allèrent côte à côte la rejoindre, à moitié frais, dans une benne mérovingienne. J'avais prié monsieur de Duras de travailler à la réconciliation et de m'en donner les premières nouvelles. « Quoi ? M'avait dit monsieur de Duras, vous restez après ce que vous a dit le roi ?» Monsieur de Blacas, en partant de Mons de son côté, me remercia de l'intérêt que je lui avais montré. Je retrouvai monsieur de Talleyrand embarrassé. Il en était au regret de n'avoir pas suivi mon conseil et d'avoir, comme un sous-lieutenant mauvaise tête, refusé d'aller le soir chez le roi. Il craignait que des arrangements eussent lieu sans lui, qu'il ne pût participer à la puissance politique et profiter des tripotages d'argent qui se préparaient. Je lui dis que, bien que je différasse de son opinion, je ne lui en restais pas moins attaché comme un ambassadeur à son ministre, qu'au surplus j'avais des amis auprès du roi et que j'espérais bientôt apprendre quelque chose de bon. Monsieur de Talleyrand était une vraie tendresse. Il se penchait sur mon épaule. Certainement, il me croyait dans ce moment un très grand homme. Je ne tardai point à recevoir un billet de monsieur de Duras. Il m'écrivait de Cambrai que l'affaire était arrangée et que monsieur de Talleyrand allait recevoir l'ordre de se mettre en route. Cette fois, le prince ne manqua pas d'obéir. Quel diable me poussait ! Je n'avais point suivi le roi qui m'avait pour ainsi dire offert, ou plutôt donné, le ministère de sa maison, et qui fut blessé de mon obstination à rester à Mons. Je me cassai le cou pour monsieur de Talleyrand que je connaissais à peine, que je n'estimais point, que je n'admirais point. Pour monsieur de Talleyrand, qui allait entrer dans des combinaisons nullement les miennes, qui vivait dans une atmosphère de corruption dans laquelle je ne pouvais respirer. Ce fut de Mons même, au milieu de tous ces embarras, que le prince de Bénévent envoya M. de Perret toucher à Naples les millions d'un de ses marchés de Vienne. M. de Blacas cheminait en même temps avec l'ambassade de Naples dans sa poche et d'autres millions que le généreux exilé de Gand lui avait donnés à Mons. Je m'étais tenu dans de bons rapports avec M. de Blacas, précisément parce que tout le monde le détestait. J'avais encouru l'amitié de M. de Talleyrand pour ma fidélité à un caprice de son humeur. Louis XVIII m'avait positivement appelé auprès de sa personne, et je préférais la turpitude d'un homme sans foi à la faveur du roi. Il était trop juste que je reçusse la récompense de ma stupidité, que je fusse abandonné de tous pour les avoir voulu servir tous. Je rentrai en France, n'ayant pas de quoi payer ma route, tandis que les trésors pleuvaient sur les disgraciés. Je méritais cette correction. C'est fort bien de s'escrimer en pauvre chevalier quand tout le monde est cuirassé d'or, mais encore ne faut-il pas faire des fautes énormes. Moi, demeuré auprès du roi, la combinaison du ministère Talleyrand et Fouché devenait presque impossible. La restauration commençait par un ministère moral et honorable. Toutes les combinaisons de l'avenir pouvaient changer. L'insouciance que j'avais de ma personne me trompa sur l'importance des faits. La plupart des hommes ont le défaut de se trop compter. J'ai le défaut de ne me pas compter assez. Je m'enveloppais dans le dédain habituel de ma fortune. J'aurais dû voir que la fortune de la France se trouvait liée dans ce moment à celle de mes petites destinées. Ce sont de ces enchevêtrements historiques fort communs. Sorti enfin de Mons, j'arrivai au Cateau Cambrésis. M. de Talleyrand m'y rejoignit. Nous avions l'air de venir refaire le traité de paix de 1559 entre Henri II de France et Philippe II d'Espagne. À Cambrai, il se trouva que le marquis de la Suze, maréchal des logis du temps de Fénelon, avait disposé des billets de logement de Madame de Lévis, de Madame de Chateaubriand et du mien. Nous demeurâmes dans la rue, au milieu des feux de joie, de la foule circulant autour de nous et des habitants qui criaient « Vive le roi !» Un étudiant ayant appris que j'étais là nous conduisit à la maison de sa mère. Les amis des diverses monarchies de France commençaient à paraître. Ils ne venaient pas à Cambrai pour la Ligue contre Venise, mais pour s'associer contre les nouvelles constitutions. Ils accouraient mettre au pied du roi leur fidélité successive et leur haine pour la charte. Passeport qu'ils jugeaient nécessaire auprès de monsieur, moi et deux ou trois raisonnables Gilles nous sentions déjà la jacobinerie. Le 28 juin parut la déclaration de Cambrai. Le roi y disait « Je ne veux éloigner de ma personne que ces hommes dont la renommée est un sujet de douleur pour la France et d'effroi pour l'Europe. » Or, voyez, le nom de Fouché était prononcé avec gratitude par le pavillon Marsan. Le roi riait de la nouvelle passion de son frère et disait « Elle ne lui est pas venue de l'inspiration divine. » Je vous ai déjà raconté qu'en traversant Cambrai après les 100 jours, je cherchais vainement mon logis du temps du régiment de Navarre et le café que je fréquentais avec la Martinière. Tout avait disparu avec ma jeunesse. De Cambrai, nous allâmes coucher à Rouen. La maîtresse de l'auberge prit Madame de Chateaubriand pour Madame la Dauphine. Elle fut portée en triomphe dans une salle où il y avait une table mise de 30 couverts. La salle, éclairée de bougies, de chandelles et d'un large feu, était suffocante. L'hôtesse ne voulait pas recevoir de paiement et elle disait « Je me regarde de travers pour n'avoir pas su me faire guillotiner pour nos rois. » Dernière étincelle d'un feu qui avait animé les Français pendant tant de siècles. Le général Lamotte, beau-frère de M. Laborie, vint, envoyé par les autorités de la capitale, nous instruire qu'il nous serait impossible de nous présenter à Paris sans la cocarde tricolore. M. de Lafayette et d'autres commissaires, d'ailleurs fort mal reçus des alliés, valetaient d'état-major en état-major, mendiant près des étrangers un maître quelconque pour la France. Tout roi, au choix des Cosaques, serait excellent pourvu qu'il ne descendît pas de Saint-Louis et de Louis XIV. À Rouen, on tint conseil. M. de Talleyrand fit attacher 2 haridelles à sa voiture et se rendit chez Sa Majesté. Son équipage occupait la largeur de la place, à partir de l'auberge du ministre jusqu'à la porte du roi. Il descendit de son char avec un mémoire qu'il nous lut. Il examinait le parti qu'on aurait à suivre en arrivant. Il hasardait quelques mots sur la nécessité d'admettre indistinctement tout le monde au partage des places. il faisait entendre qu'on pourrait aller généreusement jusqu'au juge de Louis XVI. Sa Majesté rougit et s'écria en frappant des deux mains les deux bras de son fauteuil « Jamais !» Jamais de 24 heures. À Senlis, nous nous présentâmes chez un chanoine. Sa servante nous reçut comme des chiens. Quant au chanoine, qui n'était pas Saint Rieul, patron de la ville, il ne voulut seulement pas nous regarder. Sa bonne avait ordre de ne nous rendre d'autre service que de nous acheter de quoi manger pour notre argent. Le génie du christianisme me fut néant. Pourtant, Senlis aurait dû nous être de bon augure, puisque ce fut dans cette ville que Henri IV se déroba aux mains de ses geôliers en 1576. « Je n'ai de regrets, s'écriait en s'échappant le roi compatriote de Montaigne, que pour deux choses que j'ai laissées à Paris, la messe et ma femme. » De Senlis, nous nous rendîmes au berceau de Philippe Auguste, autrement Gonesse. En approchant du village, nous aperçûmes deux personnes qui s'avançaient vers nous. C'était le maréchal MacDonald et mon fidèle ami Hyde de Neuville. Ils arrêtèrent notre voiture et nous demandèrent où était M. de Talleyrand. Ils ne firent aucune difficulté de m'apprendre qu'ils le cherchaient afin d'informer le roi que Sa Majesté ne devait pas songer à franchir la barrière avant d'avoir pris Fouché pour ministre. L'inquiétude me gagna car, malgré la manière dont Louis XVIII s'était prononcé à Rouen, je n'étais pas très rassuré. Je questionnai le maréchal. « Quoi, monsieur le maréchal, lui dis-je, est-il certain que nous ne pouvons rentrer qu'à des conditions si dures ?»« Ma foi, monsieur le vicomte, me répondit le maréchal, je n'en suis pas bien convaincu. » Le roi s'arrêta 2 heures à Gonesse. Je laissai madame de Chateaubriand au milieu du grand chemin dans sa voiture et j'allai au conseil à la mairie. Là fut mise en délibération une mesure d'où devait dépendre le sort futur de la monarchie. La discussion s'entama. Je soutins, seul avec M. Beugnot, qu'en aucun cas Louis XVIII ne devait admettre dans ses conseils M. Fouché. Le roi écoutait, je voyais qu'il eût tenu volontiers la parole de roi, mais il était absorbé par monsieur et pressé par le duc de Wellington. Dans un chapitre de la monarchie selon la charte, j'ai résumé les raisons que je fis valoir à Gonesse. J'étais animé, la parole parlée a une puissance qui s'affaiblit dans la parole écrite. Partout où il y a une tribune ouverte, dis-je dans ce chapitre, quiconque peut être exposé à des reproches d'une certaine nature ne peut être placé à la tête du gouvernement. Il y a tel discours, tel mot, qui obligerait un pareil ministre à donner sa démission en sortant de la chambre. C'est cette impossibilité résultante du principe libre des gouvernements représentatifs que l'on ne sentit pas lorsque toutes les illusions se réunirent pour porter un homme fameux au ministère, malgré la répugnance trop fondée de la couronne. L'élévation de cet homme devait produire l'une de ces deux choses, ou l'abolition de la charte, ou la chute du ministère à l'ouverture de la session. Se représente-t-on le ministère dont je veux parler, écoutant à la Chambre des députés la discussion sur le 21 janvier, pouvant être apostrophé à chaque instant par quelques députés de Lyon, et toujours menacé du terrible « tu es s'il y est oui ». Les hommes de cette sorte ne peuvent être employés ostensiblement qu'avec les muets du sérail de Bajazet ou les muets du corps législatif de Bonaparte. Que deviendra le ministre si un député, montant à la tribune, un moniteur à la main, lit le rapport de la Convention du 9 août 1795 ? S'il demande l'expulsion de Fouché comme indigne, en vertu de ce rapport qui le chassait, lui, Fouché, je cite textuellement, comme un voleur et un terroriste dont la conduite atroce et criminelle communiquait le déshonneur et l'opprobre à toute assemblée quelconque dont il deviendrait membre. Voilà les choses que l'on a oubliées. Après tout, avait-on le malheur de croire qu'un homme de cette espèce pouvait jamais être utile? Il fallait le laisser derrière le rideau, consulter sa triste expérience. Mais faire violence à la couronne et à l'opinion, appeler à visage découvert un pareil ministre aux affaires, un homme que Bonaparte, dans ce moment même, traitait d'infâme. N'était-ce pas déclaré qu'on renonçait à la liberté et à la vertu? Une couronne vaut-elle un pareil sacrifice? On n'était plus maître d'éloigner personne. Qui pouvait-on exclure après avoir pris Fouché? Les partis agissaient sans songer à la forme du gouvernement qu'ils avaient adopté. Tout le monde parlait de constitution, de liberté, d'égalité, de droit des peuples, et personne n'en voulait, verbiage à la mode. On demandait sans y penser des nouvelles de la charte, tout en espérant qu'elle crèverait bientôt. Libéraux et royalistes inclinaient au gouvernement absolu, amendé par les mœurs. C'est le tempérament et le train de la France. Les intérêts matériels dominaient. On ne voulait point renoncer à ce qu'on avait, dit-on, fait pendant la Révolution. Chacun était chargé de sa propre vie et prétendait en honorer le voisin. Le mal, assurait-on, était devenu un élément public, lequel devait désormais se combiner avec les gouvernements et entrer comme principe vital dans la société. Ma lubie, relative à une charte mise en mouvement par l'action religieuse et morale, a été la cause du mauvais vouloir que certains partis m'ont porté. Pour les royalistes, j'aimais trop la liberté. Pour les révolutionnaires, je méprisais trop les crimes. Si je ne m'étais trouvé là, à mon grand détriment, pour me faire maître d'école de constitutionnalité, dès les premiers jours, les ultras et les jacobins auraient mis la charte dans la poche de leur frac à fleur de lys ou de leur carmagnole à la Cassius. M. de Talleyrand n'aimait pas M. Fouché. M. Fouché détestait, et ce qu'il y a de plus étrange, méprisait M. de Talleyrand. Il était difficile d'arriver à ce succès. M. de Talleyrand, qui d'abord eût été content de n'être pas accouplé à M. Fouché, sentant que celui-ci était inévitable, donna les mains au projet. Il ne s'aperçut pas qu'avec la charte, lui surtout uni aux mitrailleurs de Lyon, il n'était guère plus possible que Fouché. Promptement se vérifia ce que j'avais annoncé. On n'eut pas le profit de l'admission du duc d'Otrante, on n'en eut que l'opprobre. L'ombre des chambres approchant suffit pour faire disparaître des ministres trop exposés à la franchise de la tribune. Mon opposition fut inutile. Selon l'usage des caractères faibles, le roi leva la séance sans rien déterminer. L'ordonnance ne devait être arrêtée qu'au château d'Arnouville. On ne tint point conseil en règle dans cette dernière résidence. Les intimes et les affiliés au secret furent seuls assemblés. M. de Talleyrand, nous ayant devancés, prit langue avec ses amis. Le duc de Wellington arriva. Je le vis passer en calèche. Les plumes de son chapeau flottaient en l'air. Il venait octroyer à la France M. Fouché et M. de Talleyrand comme le double présent que la victoire de Waterloo faisait à notre patrie. Lorsqu'on lui représentait que le régicide de M. le duc d'Otrante était peut-être un inconvénient, il répondait « c'est une frivolité ». Un Irlandais protestant, un général anglais étranger à nos mœurs et à notre histoire, un esprit ne voyant dans l'année française de 1793 que l'antécédent anglais de l'année 1649, était chargé de régler nos destinées. L'ambition de Bonaparte nous avait réduits à cette misère. Je rôdais à l'écart dans les jardins d'où le contrôleur général Machaut, à l'âge de 93 ans, était allé s'éteindre aux Madelonnettes, car la mort, dans sa grande revue, n'oubliait alors personne. Je n'étais plus appelé. Les familiarités de l'infortune commune avaient cessé entre le souverain et le sujet. Le roi se préparait à rentrer dans son palais, moi dans ma retraite. Le vide se reforme autour des monarques sitôt qu'ils retrouvent le pouvoir. J'ai rarement traversé, sans faire des réflexions sérieuses, les salons silencieux et déshabités des Tuileries qui me conduisaient au cabinet du roi. À moi, désert d'une autre sorte, solitudes infinies où les mondes mêmes s'évanouissent devant Dieu, seul être réel. On manquait de pain à Arnouville, sans un officier du nom de Dubourg et qui dénichait de gants comme nous, nous eussions jeûné. Monsieur Dubourg alla à la picorée, il nous rapporta la moitié d'un mouton au logis du maire en fuite. Si la servante de ce maire, héroïne de Beauvais, demeurait seule, avait eu des armes, elle nous aurait reçus comme Jeanne Hachette. Nous nous rendîmes à Saint-Denis. Sur les deux bords de la chaussée s'étendaient les bivouacs des Prussiens et des Anglais. Les yeux rencontraient au loin les flèches de l'abbaye. Dans ses fondements, Dagobert jeta ses joyaux. Dans ses souterrains, les races successives ensevelirent leurs rois et leurs grands hommes. 4 mois passés, nous avions déposé là les os de Louis XVI pour tenir lieu des autres poussières. Lorsque je revins de mon premier exil en 1800, j'avais traversé cette même plaine de Saint-Denis. Il n'y campait encore que les soldats de Napoléon. Des Français remplaçaient encore les vieilles bandes du connétable de Montmorency. Un boulanger nous hébergea. Le soir, vers les 9 heures, j'allais faire ma cour au roi. Sa majesté était logée dans les bâtiments de l'abbaye. On avait toutes les peines du monde à empêcher les petites filles de la Légion d'honneur de crier « Vive Napoléon !» J'entrais d'abord dans l'église. Un pan de mur attenant au cloître était tombé. L'antique abbatiale n'était éclairée que d'une lampe. Je fis ma prière à l'entrée du caveau où j'avais vu descendre Louis XVI. Plein de crainte sur l'avenir, je ne sais si j'ai jamais eu le cœur noyé d'une tristesse plus profonde et plus religieuse. Ensuite, je me rendis chez Sa Majesté. Introduit dans une des chambres qui précédait celle du roi, je ne trouvai personne. Je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice, appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand marchant, soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Le lendemain, le faubourg Saint-Germain arriva. Tout se mêlait de la nomination de Fouché, déjà obtenue. La religion comme l'impiété, la vertu comme le vice, le royaliste comme le révolutionnaire, l'étranger comme le français. On criait de toutes parts « Sans Fouché, point de sûreté pour le roi. Sans Fouché, point de salut pour la France. Lui seul a déjà sauvé la patrie, lui seul peut achever son ouvrage. » La vieille duchesse de Duras était une des nobles dames les plus animées à l'hymne. Le bailli de Crussol, survivant de Malte, faisait chorus. Il déclarait que si sa tête était encore sur ses épaules, c'est que M. Fouché l'avait permis. Les peureux avaient eu tant de frayeur de Bonaparte qu'ils avaient pris le massacreur de Lyon pour un Titus. Pendant plus de 3 mois, les salons du faubourg Saint-Germain me regardèrent comme un mécréant, parce que je désapprouvais la nomination de leur ministre. Ces pauvres gens, ils s'étaient prosternés aux pieds des parvenus. Ils n'en faisaient pas moins grand bruit de leur noblesse, de leur haine contre les révolutionnaires, de leur fidélité à toute épreuve, de l'inflexibilité de leurs principes, et ils adoraient Fouché. Fouché avait senti l'incompatibilité de son existence ministérielle avec le jeu de la monarchie représentative. Comme il ne pouvait s'amalgamer avec les éléments d'un gouvernement légal, il essaya de rendre les éléments politiques homogènes à sa propre nature. Il avait créé une terreur factice. Supposant des dangers imaginaires, il prétendait forcer la couronne à reconnaître les deux chambres de Bonaparte et à recevoir la déclaration des droits qu'on s'était hâté de parachever. On murmurait même quelques mots sur la nécessité d'exiler monsieur et ses fils. Le chef-d'œuvre eût été d'isoler le roi. On continuait à être dupe. En vain, la garde nationale passait par-dessus les murs de Paris et venait protester de son dévouement. On assurait que cette garde était mal disposée. La faction avait fait fermer les barrières afin d'empêcher le peuple, resté royaliste pendant les 100 jours, d'accourir, et l'on disait que ce peuple menaçait d'égorger Louis XVIII à son passage. L'aveuglement était miraculeux car l'armée française se retirait sur la Loire, 150 000 alliés occupaient les postes extérieurs de la capitale, et l'on prétendait toujours que le roi n'était pas assez fort pour pénétrer dans une ville où il ne restait pas un soldat, où il n'y avait plus que des bourgeois très capables de contenir une poignée de fédérés s'ils s'étaient avisés de remuer. Malheureusement, le roi, par une suite de coïncidences fatales, semblait le chef des Anglais et des Prussiens. Il croyait être environné de libérateurs, et il était accompagné d'ennemis. Il paraissait entouré d'une escorte d'honneur, et cette escorte n'était en réalité que les gendarmes qui le menaient hors de son royaume. Il traversait seulement Paris en compagnie des étrangers dont le souvenir servirait un jour de prétexte au bannissement de sa race. Le gouvernement provisoire formé depuis l'abdication de Bonaparte fut dissous par une espèce d'acte d'accusation contre la couronne, pierre d'attente sur laquelle on espérait bâtir un jour une nouvelle révolution. À la première restauration, j'étais d'avis que l'on gardât la cocarde tricolore. Elle brillait de toute sa gloire. La cocarde blanche était oubliée. en conservant des couleurs qu'avaient légitimées tant de triomphes, on ne préparait point à une révolution prévoyable un signe de ralliement. Ne pas prendre la cocarde blanche eût été sage. L'abandonner, après qu'elle avait été portée par les grenadiers mêmes de Bonaparte, était une lâcheté. On ne passe point impunément sous les fourches caudines, ce qui déshonore est funeste. Un soufflet ne vous fait physiquement aucun mal, et cependant il vous tue. Avant de quitter Saint-Denis, je fus reçu par le roi, et j'eus avec lui cette conversation. « Eh bien, me dit Louis XVIII, ouvrant le dialogue par cette exclamation. « Eh bien, sire, vous prenez le duc d'Otrante ? Il l'a bien fallu. Depuis mon frère jusqu'au bailli de Crussol, et celui-là n'est pas suspect, tous disaient que nous ne pouvions pas faire autrement. Qu'en pensez-vous ? Sire, la chose est faite. Je demande à votre majesté la permission de me taire. Non, non, dites, vous savez comme j'ai résisté depuis Gand. Sire, je ne fais qu'obéir à vos ordres. Pardonnez à ma fidélité, je crois à la monarchie finie. » Le roi garda le silence. Je commençais à trembler de ma hardiesse quand sa majesté reprit « Eh bien, monsieur de Chateaubriand, je suis de votre avis. » Cette conversation termine mon récit des 100 jours. Fin de la section 19.